في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله على ما من به من هذا اللقاء الطيب بهؤلاء الأخوة بمسجد الأنصار ببروكسل بلجيكا وسبقاً زرنا هذا المسجد في العام الماضي وها هو اللقاء يتجدد فحياكم الله. بسم الله الحمد لله. Les louanges sont à Allah, celui qui nous gracie cette rencontre avec nos frères dans cette mosquée, donc la mosquée Al-Ansa. Et Cheikh mentionne qu'il est déjà venu, qu'il a déjà visité donc ses frères dans cette mosquée l'an passé. تسمعون صوت عمار ولا ما تسمعونه؟ صوت عمار سمعتوه؟ تبغون يعيد ولا وصل؟ ها؟ ما يحتاج؟ نبي ترفع صوتك يا شيخ عمار. قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حديثي سوف يكون حول هذه الشهادة. Le sujet va tourner autour de la shahada, l'attestation de foi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. هذه الشهادة شهادة لله بالوحدانية. سبحانه عز وجل. وحده لا شريك له ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة التي ختم الله بها الرسالات. Donc cette attestation mentionne et montre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala seul son associé ainsi que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc montre et signifie Donc la risala, le fait qu'il a reçu ici donc la révélation. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaq illallah. لأن المعبودات كثيرة كلها باطلة. ولكن الذي عبد بحق هو الله وحده لا شريك له. Nulle divinité à part Allah signifie Donc nulle divinité en toute vérité, sauf Allah Azza wa Jal, car il y a énormément d'adorés qui sont vains. فالشاهد لله بالوحدانية لا يقع في الشرك. بعيد أشد البعد عن الشرك. والشاهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة هو بعيد عن البدع والمخالفة متبع فالأمر يقوم على الإخلاص والمتابعة. Celui qui atteste l'unicité d'Allah Azza wa Jal est loin du polythéisme ainsi que celui qui atteste de que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien envoyé celui-ci donc est loin des innovations et de ce qui est contraire à la religion. Wasma, تفضل هنا. تفضل. فهو عبد الله وحده لا شريك له. في أقواله وفي أفعاله وفي نيته. فلم يشرك في الأقوال ولم يشرك في الأفعال ولم يشرك بالنية والقلب. Donc celui qui adore Allah seul sans associé donc ne va pas promettre d'actes de politisme dans ses paroles ainsi que dans ses actes et ainsi que dans son intention. Donc il sera ou il ne va pas commettre donc cela ni dans ses actes ni dans ses paroles et ni dans son intention, dans son cœur. وهل من شهد أن لا إله إلا الله يقع منه الشرك؟ Est-ce que celui qui atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah Azza wa Jal sombre dans le polythéisme? Oui. نعم يقع منه الشرك. هذه ما نبغى ترجمة. نعم يقع في الشرك. يقع في شرك اللسان فيحلف بغير الله وينظر لغير الله ويستغيث بغير الله ويتوسل بغير الله هذا يتعلق بالشرك اللسان من هو أكبر ومن هو أصغر. Donc oui, même si quelqu'un atteste de cette unicité, donc sombre ou peut sombrer dans cet associationnisme, car il peut demander d'aide à autre qu'Allah, il peut demander aussi donc de secours ou demander l'intercédeur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va sombrer dans le polythéisme. فيا من شهدت أن لا إله إلا الله احذر أن تنقض شهادتك. نعم أنت تكلمت بها ولكن وقعت فيما يبطلها وهو الشرك الأكبر. أو celui qui atteste de cette attestation-là, il est à Allah, fais attention de ne pas sombrer dans le shirk. Oui, tu l'as dit, tu l'as prononcé avec la parole, mais tu es venu à faire avec ce qui va annuler cette parole. الشرك ناقض. نواقضها كثيرة. منها الشرك ناقض. السحر ناقض. الحكم بغير ما أنزل الله ناقض. ترك دين الله والإعراض عن تعلمه ناقض. معاداة الدين وأهل الدين والخير ناقض. إذا نحذر من النواقض. Donc je mentionne ici donc par le fait donc de juger par autre shirk. C'est le shirk, c'est l'associationnisme. Et par exemple, donc il donne ici des points. Parmi ces points, c'est par exemple le fait par exemple, de juger sur autre que Allah Azza wa Jal. Donc juger, cela va être annulé donc, cette parole. Ainsi que le fait d'être en animosité ou en adversité donc, envers les ennemis d'Allah Azza wa Jal est aussi donc, un arcade. C'est quelque chose qui va venir annuler. Et autre point qu'il a mentionné ici. وكذلك الذي يشهد أن لا إله إلا الله يوحد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ainsi que celui qui atteste donc de cette attestation là il est à Allah unifie Allah dans sa seigneurie dans sa divinité ainsi que dans ses noms et ses attributs. ما الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة إذا عرفناها عرفنا الفرق بينها. Quelle est la différence entre ces trois points? Celui donc qui connaît donc connaît donc la différence ici par rapport à ces trois points. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. L'unicité de la Seigneurie, c'est d'unifier Allah Azza wa Jal dans ses actes. Donc faites la différence. توحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. L'unicité de la divinité, c'est d'unifier Allah Azza wa Jal à travers les actes de ses adorateurs. هل هناك فرق؟ Il y a-t-il ici une différence? Oui. نعم هناك فرق. فالله عز وجل تفرده بأفعاله خالق رازق محيي مميت ما فينا أحد لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إذن أفردناه وحده بأفعاله Donc Allah Azza wa Jal, tu l'unifies dans tes actes. Il est le créateur, celui qui pourvoit, celui qui donne la vie, celui qui la reprend. Donc il est seul ici dans... C'est lui que tu dois donc unifier dans tes actes. Tawhid al-Uluhiyya. إفراد الله بأفعال المكلفين لا نصلي إلا له لا نسجد إلا له لا نحلف إلا به لا ننذر إلا به كل ما نقول ونفعل وفي قلوبنا له وحده لا شريك له هذا توحيد الألوهية Il est seul ici dans ses actes. Et dans Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité de la divinité, donc c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal dans ses actes. Donc tu te prosternes pour lui seul. Tu ne jures que par lui. Tu ne fais le vœu que par lui, subhanahu wa ta'ala. Voici donc le Tawhid al-Uluhiyya. Connaissez-vous donc la différence? Ar-Rububiyya amanat bihi Quraysh wa ma nafa'aha imanaha. L'unicité de la Seigneurie, les gens de Quraysh ont cru en cela et cela ne leur a pas été profitable. La khalla, kana ma wa. Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah. Si tu leur questionnes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certainement Allah. Est-ce que cela leur a été profitable du fait qu'ils ont cru en la seigneurie d'Allah? Pourquoi cela ne leur a pas été profitable? Car ils ont invoqué et demandé de l'aide ou du secours à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont sombrés dans le politisme. بعض الناس اليوم ينسب certaines personnes لغير الله ما هو حق الله. Donc donne à autre qu'Allah Azza wa Jal ce qui est le droit d'Allah Azza wa Jal. ما هو حق الله. Quel est le droit d'Allah Azza wa Jal? فيطلب الشفاء من غير الله. Il demande la guérison à autre qu'Allah Azza wa Jal. والرزق من غير الله. La subsistance à autre qu'Allah. بل ربما لما يسمى بالصالحين والقبور يستغيث بهم ويقول شافوا مريضي ردوا غائبي. voir il demande c'est-à-dire aux absents ou aux personnes mortes c'est-à-dire les personnes pieuses mortes il leur demande de guérir leurs malades ou autres. اقضوا حاجتي فرجوا كربتي. donc venez donc nous aider nous ressortir de nos gênes. يا أهل الله يا أولياء الله فرجوا ارزقوني ولد. Ô oh, les gens d'Allah, ô oh, les élus d'Allah, donnez-nous des enfants. هذا شرك في توحيد الألوهية ولا في شرك الربوبية؟ Est-ce que cela est du polythéisme dans Rububiyya ou bien dans l'Uluhiyya? Hein? وهو أشد لم تقع فيه قريش. Et cela est encore pire, cela est encore plus grave, alors que les gens de Quraysh n'ont pas sombré dans cette catégorie de shirk. صافي. عرفنا الفرق. واضح ننتقل الآن إلى توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية. donc ici on passe à l'unicité de l'adoration qui est l'unicité de la divinité. وكيف أن الناس انحرفوا فيه. et comment les gens ont sombré dans cela. قريش ما آمنت به. Les gens n'ont pas cru en Allah. فكفار قريش لم يقولوا لا إله إلا الله. Les mécréants de Quraysh n'ont pas dit la ilaha illallah. لماذا؟ Pourquoi cela؟ لأنهم يعرفون أن معناها إذا قالوها أنهم لا يدعون اللات وعزى ومنات ولا يستغيثون بغير الله. Car ils connaissent le sens, ils savent que s'ils vont dire cela, donc ils ne vont pas adorer Lat al-Uzza. فلما كانوا يعرفون معناها لم يقولوها. Du fait qu'ils connaissaient son sens, ils ne l'ont pas dit. اليوم تجد بعض المسلمين يقولها ولا يعرف معناها. Actuellement, certains musulmans prononcent cette parole, mais ne savent pas, ne connaissent pas le sens de cette parole. كيف ما يعرف معناها؟ Comment il ne connaît pas le sens de cette parole؟ لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. Alors qu'il prononce l'attestation de foi, لا إله إلا الله. ويا سيدي فلان في حاجة لله. Et il demande à Sidi un tel. Donc vient, donc me demande à Allah Azzawajal de intercède, c'est l'entrée de moi auprès d'Allah. Ya Sidi Flan, Ya Sidi Flan. Estaghithu bihi. Donc il demande à cette personne. هذا الذي يقول هذا الكلام هل يعرف معنى الشرك؟ Est-ce que celui qui prononce cette personne connaît le sens du shirk? أضرب لكم مثال آخر. Je vous donne un autre exemple. لو أنك أتيت أحد هؤلاء وقلت له ما حكم الشرك؟ Si tu vas voir l'un d'entre eux et que tu lui dis quel est le décret religieux du shirk, il te dira que c'est interdit. Et quel est donc cela amène à quoi? Cela amène à l'enfer. Ya Sidi Flan, quand tu te parles avec lui, et si c'est lui, il te demande et il s'agit de lui. Quand tu lui parles malgré ça, il fait cela. Il égorge ou immole pour autre qu'Allah. Est-ce que celui-ci connaît réellement le sens du shirk? هو يعرف حكمه ولا يعرف معناه. Il connaît son statut, son décret religieux, mais il ne connaît pas son sens. كذلك البدعة. Et c'est pareil pour l'innovation. ربما تجد على المنبر يا عباد الله عليكم بالتوحيد اتركوا الشرك عليكم بالسنة احذروا البدعة وهو واقع إلى رأسه في الشرك والبدعة. Donc il est possible que dans son prêche il dit aux gens faites attention au shirk, faites attention à la bid'a, alors que lui-même sombre. Et donc commet énormément de shirk et de bid'ah. Il faut que tu connaisses donc son statut religieux ainsi que son sens. Voici donc l'appel à l'unicité, et c'est l'appel donc des envoyés. Certes, nous avons envoyé pour chaque communauté donc des envoyés afin qu'ils nous disent d'adorer Allah et d'éviter et de s'éloigner du tarout. فدعوة الرسل وأتباع الرسل دعوة تفصيلية ليست إجمالية. Et la prêche des envoyés ainsi que de ceux qui les suivent est une prêche détaillée et non générale. المجملات جميلة. Tout ce qui est général, c'est bien beau. والكل يجيدها. Et tout le monde donc connaît cela. Tout le monde est capable de le faire. والتفصيلات دقيقة. Tandis que les détails donc sont bien précises. وقليل من يطبق. Et peu de gens suivent cela. إذن هذه الدعوة الرسل دعوة كاملة شاملة. Donc voici donc les prêches des envoyés qui sont complètes. شروط لا إله إلا الله. Les conditions de la إله إلا الله. أن يقولها بعلم. Qu'ils le disent avec science. ينافي الجهالة. ما يكون جاهل معناها. Donc qui sera contraire à l'ignorance. ومن معناها الذي ذكرنا. Et parmi ces sens. Donc c'est ce qu'on a répété, c'est ce qu'on a dit auparavant. مخلصاً بها لا يشرك. Qu'il soit sincère dans cette parole, qu'il ne soit pas donc politiste dans cette parole. متيقناً بها لا يشك. Qu'il soit sûr et certain de cette parole, qu'il n'ait pas de doute dans cette parole. محب لا يبغض فيها. Il aime cette parole. يبغضها ويبغض أهلها. Il ne déteste pas cette parole, il ne déteste pas les gens de cette parole. صادقاً فيها لا يكذب مدلولاتها. Il est véridique dans cette parole et ne ment pas. Donc sur ce qui a attrait à cette parole. منقاد وقابل لا يترك ويرد. Il obéit et se soumet et ne rejette pas et ne va pas non plus repousser. كم شرط؟ Combien de conditions؟ سبعة. Sept. علم. Science. يقين. Certitude. وإخلاص. Sincérité. وصدقك مع. Véridique. Vérité avec. محبة. Amour. وانقياد. Soumission. والقبول لها. Et acceptation. هذه شروط لا إله إلا الله التي ذكرها العلماء. Voici donc les sept conditions de la ilaha illallah qui ont été rapportées par les savants. وتوحيد الأسماء والصفات. L'unicité des noms et des attributs. أن يؤمن بما سمى الله بنفسه ووصف بنفسه في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ولا تشبيه ولا تبديل. Donc il croit donc en ce que Allah Azza wa Jalla ainsi que son envoyé ont donc mentionné dans le livre et la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, sans qu'il y ait ici donc le fait de renier, le fait d'altérer ou le fait de changer et autres. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Et Allah appartient les plus bons noms, invoquez-les donc avec. هذا هو. Voici donc cela. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien n'est égal à lui et il est l'audient et le voyant. شهادة أن محمد رسول الله. L'attestation de donc Mohammed est l'envoyé d'Allah. يطيع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعصيه. Il obéit au prophète صلى الله عليه وسلم et ne lui désobéit pas. يمتثل أمره ما يترك. Et il se conforme à ses ordres et ne délaisse pas ses ordres. ينتهي عن نهيه ما يخالف. Et il délaisse ses interdictions et n'est pas donc en contradiction. لا يتعبد لله بعبادة لم يفعلها رسول الله ويقولها. Il ne va pas adorer Allah à travers des adorations dont qui n'ont pas été légiférées. فتقوم شهادة محمد رسول الله على أربعة أمور. Donc cette attestation de Mohammed رسول الله se retrouve dans quatre points. تصديقه فيما أخبر. Donc le fait de le considérer comme véridique dans ce qu'il a dit. طاعته فيما أمر. L'obéir dans ce qu'il ordonne. اجتناب ما نهى عنه وزجر. Éviter ce qu'il a interdit et réprimandé. ألا تعبد الله إلا بما شرع. Et ne pas n'adorer Allah que par ce qu'il a donc légiféré. هذه ما معناها الأربع. Quel est le sens de ces quatre points? الاتباع. Le suivi. الاتباع. Donc le suivi. يفضح صاحبه. Le suivi, c'est lui qui va donc montrer ici et mettre en évidence donc la personne. ما الدليل على الاتباع يفضح؟ Quelle est la preuve que le suivi donc met en évidence la personne? آية في كتاب الله. Un verset dans le livre d'Allah. ها. من يأتي بها؟ آية في كتاب الله. نعم تفضل. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تبي سعودي ولا تبي هذه هدية لك. أعطيها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما معناها؟ ما معنى هذه الآية؟ أذكر لكم. عمار تحمس ولا ترجم. فأصبح ينصت. طيب. الاتباع. يدخل في أربعة أمور. Donc entre dans quatre choses, quatre points. اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. Ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam في عقيدتك. Dans ton dogme. وفي عبادتك رقم اثنين. Dans ton adoration, donc deuxième point. وفي معاملتك. Troisième point, dans tes actes. وفي أخلاقك وسلوكك. Et donc quatrième point, dans ton comportement. عيد. يقول الله تبارك عيد. Donc le shir recommence et répète. Ah comment c'est un répète. Répète. قل إن كنتم هذه دعوة. On dit si réellement donc cela est une dawa, c'est-à-dire le fait, c'est une prétention, c'est le fait donc de prétendre. كل منا لو سألته تحب الله. Chacun d'entre nous si on nous pose la question est-ce que tu aimes Allah. الجواب. La réponse sera. تحب الله. Nous aimons Allah. بل لا يمكن أن نتصور مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو لا يحب الله ورسوله. On peut s'imaginer que quelqu'un qui atteste la ilaha illallah Muhammad Rasulullah donc n'est pas aimé Allah. هذه المحبة لها ميزان. Cet amour donc a une balance. موازين الناس تختلف. Et la balance des gens est différente. بقدر ما تحط في كفة الميزان بقدر ما يكون ثقله. Donc selon ce qui sera posé sur cette balance donc la lourdeur viendra. قل إن كنتم تحبون الله. Dis si réellement vous aimez Allah. فاتبعوني. Suivez-moi donc. من هو المقصود هنا؟ Quel est ici donc le vouloir dire de cela؟ Hein؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Celui qui est visé ici c'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. طيب. إذا اتبعت ما هي النتيجة؟ Si tu suis, quel est le résultat؟ يحببكم الله وبعد ويغفر لكم الله أكبر محبة وغفران ذنوب ومن أحبه الله غفر له إذن هذه النتيجة تسبقها مقدمة وهذه الآية يسميها بعض علماء التفسير الكاشفة Donc ce verset, certains savants donc l'appellent ici donc les détails, qui montrent, donc qui sont dévoilés. Ou بعضهم يسميها الفاضحة. Ou celle qui dévoile. تفضح صاحبها. Donc elle va dévoiler la personne. أنا أحبك. Donc Shir dit je t'aime. لكني ما أطيعك. Mais je ne t'obéis pas. وأعصيك. Et je te désobéis. وأسبك. Je t'insulte. ولا يعجبني أي شيء فيك. Et tout ce qui est en toi, donc je ne l'aime pas. Est-ce que cela fait de l'amour? Je t'aime et je me vante donc, de cela, de toi. Donc je dis que je fais partie des gens de toi. Donc je fais aussi, donc je fais des efforts envers toi. Je recherche ce qui te plaît. وكيف في المحبة محبة الله ومحبة رسول الله كيف هو المحبة محبة الله ومحبة رسول الله comment ici donc ici l'amour d'Allah et l'amour de l'envoyé d'Allah بالأربعة أمور التي ذكرتها donc cet amour est par les quatre points qui ont été mentionnés auparavant أن تكون عقيدتك وفق ما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc que ton dogme soit donc conforme. إيمانك. Ta foi. بالله. En Allah عز وجل. وملائكته. Aux anges. وكتبه. Aux livres. ورسله. Aux envoyés. واليوم الآخر. Au jour dernier. والقدر خيره وشره. Au destin qu'il soit bon ou mauvais. عقيدتك. En ton dogme. إسلامك. Ton islam. إحسانك. Ta bonté. توجهك بالله. Le fait de te diriger vers Allah. أن تكون بما أتى في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تجيب عقيدة جديدة. Donc que tu sois en ce que Allah en ce qu'il y a dans le livre d'Allah عز وجل ainsi que la sunna authentique du prophète صلى الله عليه وسلم et que tu ne ramènes pas quelque chose de nouveau dans la religion. ما في دين جديد. Il n'y a pas de religion nouvelle. عليكم بالعتيق فقد كفيتم. Donc suivez ce qui a été ancien, ce qui est ancien. الدين كامل. Il vous a été suffi. ما يحتاج نكمله. La religion est complète. On n'a pas besoin de la compléter. ما الدليل على هذا؟ Quelle est la preuve en cela؟ آية في كتاب الله. Un verset du livre d'Allah عز وجل. ما هي؟ بلاش ما هي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الجواب مجاني. هذا هو. Voici donc le verset que Shir a mentionné. دين كامل ليس في مجال نأتي بعقائد جديدة. Donc la religion est complète, il n'y a pas besoin d'amener. أو العقيدة أو العقيدة الموجودة نحرف فيها. Ou la religion qui est déjà existante, on va changer donc l'essence. أو نبدل فيها. Ou bien donc on va changer, ou altérer ou bien changer. أو نفسرها غلط. Ou on l'explique de fausse façon, d'une mauvaise interprétation. Là. Non. لا يجوز. Cela est interdit. فاستقم كما أمرت. Donc suis ou plutôt donc sois droit comme il t'a été ordonné. Droit ici. ما هي الغروش ولا الغروش؟ لا بد أن تكون. Donc il faut que tu sois. كما أمرك الله. Comme Allah عز وجل t'a ordonné. قال تعالى. Allah dit. فاستقم كما أمرت. Donc sois droit comme il t'a été ordonné. ألا لله الدين الخالص. N'est-ce pas qu'appartient à Allah la religion pure? فدين الله انتهى. Donc la religion d'Allah est terminée. لا أحكام جديدة. Il n'y aura pas de nouvelles règles. الموجود امتثل بس. Donc ce qui est déjà existant, tu dois t'y conformer. إذا أحدثت في أمر الله شيء أنت وقعت في البدعة. Donc si tu as amené quelque chose de nouveau. ما الدليل ما الدليل dans l'innovation. Et quelle est la preuve en cela? ما الدليل في ذلك حديث الصحيحين. Donc حديث كرابو. حديث عائشة. مسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc celui qui innove dans notre ordre alors que cela ne fait pas partie de notre religion alors que cela n'y fait pas partie. إذن التغيير في العقيدة. Son innovation lui est rejetée. وقوع في الشرك والانحرافات. Donc changer dans le dogme, c'est le fait donc de sombrer dans. فتكون عقيدتك. Ainsi que la différence. كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ton dogme doit être exactement comme il a été le prophète صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال الاتباع. Voici donc la, le suivi complet. كيف تتبع وأنت تخالف في عقيدته؟ Comment tu fais pour suivre alors que tu es en désaccord dans ta aqida? يدل ويأمر وينهى وأنت تخالف ذلك. Il montre, il ordonne, il interdit alors que toi tu désobéis. يحذر من دعاء غير الله وأنت تدعو غير الله. Il interdit le fait d'invoquer autre qu'Allah et toi tu invoques autre qu'Allah. لعن الله من ذبح لغير الله لا تذبحوا بآبائكم ولا بأمهاتكم وهذا يذبح لغير الله ويحلب بأمه وأبوه ويحلب بالأولياء. Allah maudit celui qui immole pour autre qu'Allah, ne jurez pas par vos parents, alors que celui-ci immole pour autre qu'Allah et il jure aussi par autre qu'Allah, c'est-à-dire par ses parents ou autre. هل هذا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Est-ce que celui-ci est conforme avec le prophète صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ إذن فاتبعوني يحببكم الله خالف في الاتباع. Donc suivez-moi donc, Allah vous aimera. Il a été en divergence dans le suivi. الأمر الآخر. Autre chose. هو العبادة. L'adoration. Ici c'est l'adoration. أن تتعبد لله. Que tu adores Allah. كما ذكرنا في الأربعة أمور تذكرونها في أول الكلمة في معنى الشهادة أن محمد رسول الله. ها من يذكرها؟ نعم. تصديق أيوة. اجتناب ما نهى عنه وزجر. هذه اثنتين. تصديقه. وأن لا تعبد الله إلا بما شرع شيء أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن انظر عباداتك وموافقتها للرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي العبادة؟ Qu'est-ce que l'adoration؟ سبحان إن شاء الله مفهوم العبادة. لا خبر. العبادة تشمل جميع الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة مما يقصد به وجه الله. هذه عبادة كل شيء أنت تسويه تقصد به وجه الله. Donc l'adoration comprend et comporte tous les actes et toutes les paroles donc à travers lesquels tu adores Allah Azza wa Jalla. تدخل في الأقوال. On y entre les paroles. تدخل في الأفعال. Les actes. تدخل في الأموال. Les biens. والقلوب. Les cœurs. ولذلك يقال عبادة قلبية، عبادة مالية، عبادة فعلية، عبادة قلبية. On peut prononcer donc le mot adoration du cœur, adoration à travers les biens, adoration à travers les paroles et à travers les actes. نأتي للعبادات. Donc ici nous allons donc entrer dans le domaine des adorations. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est ablutionné devant les compagnons. فقال من توضأ نحو وضوء هذا. Il a dit donc celui qui s'ablutionne de la même façon que je vais le faire. الوضوء هل لنا أن نزيد فيها وننقص؟ Est-ce que nous devons ajouter ou enlever de cette ces ablutions là? أجيبوا. أجيبوا بالعربي وبالفرنساوي. أجيبوا. لا ونو كلها. ليش؟ إنها عبادة. عبادة والأصل في العبادة التوقف والمنع إلا بأمر بدليل. Donc non, car l'origine de l'adoration c'est justement l'interdiction et le fait de s'arrêter là إذن, où il y a des preuves. إذن كل ما يصرف لله عبادة، الدعوة إلى الله عبادة، مجالس الذكر عبادة. Donc chaque adoration est une العبادة وشك أت يسيت العبادة. إذن تدعو كدعوة رسول الله. Donc tu invoques de la même façon que les envoyés d'Allah ont invoqué. من جالسك للذكر كما يفعل رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس ويعلم الصحابة ويقرأ عليهم القرآن. أما يجلسون يغنون ويقولون نحن في ذكر. لا. Mais si les gens s'assient et chantent et qu'ils disent que nous sommes en train de se rappeler d'Allah. أنتم في غنى وضرب الطبل. لستم في ذكر الله. Donc vous êtes tout simplement en train de chanter, mais vous n'êtes pas en train d'invoquer ou d'évoquer Allah. هل فعل هذا رسول الله؟ Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? إذن نتبع ولا نبتدع. Donc nous suivons et nous n'allons pas innover. هذه العبادات. Voici donc les adorations. صلاة صلى صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. وقال للصحابة صلوا كما رأيتموني وصلي. Et il a dit prier comme vous m'avez vu prier. فينبغي لك أن تصلي كما صلى رسول الله. والحمد لله مدونة وصف صلاة النبي من الصحابة إلى التابعين إلى أن وصلتنا الآن غضة طرية في كتب السنة. Donc tout a été écrit et tout donc est matière donc préparée pour nous dans les livres de Sunna ou autre. حجك. Ton pèlerinage. خذوا عني مناسككم. Prenez de moi vos rites. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني حتى دعوتك لابد تكون دعوة اتباع على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي voici ma voix j'appelle avec clairvoyance moi et ceux qui me suivent. إذن صيامك. ton jeûne. زكاتك. ta zakat. كل شيء. toute chose. تتقرب به إلى الله. يكون وفق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتبع في ذلك منهاج النبوة. وهذا يدل على حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. المبني على حبه لله. قل إن كنتم تحبون الله أزعجنا فاتبعوني يحببكم الله بس نأتي لأمر آخر المعاملة البيع الشراء لا تغش Donc ne trahis pas ou ne triche pas. لا تحتال. Il faut pas que tu ruses. لا تطفف. Aussi ne cache pas. أدي العمل صح. Donc faut que ça soit réel. أتقن في عملك. Donc faut que tu. هذه معاملتك. Que ton travail soit bien fait. هذه دعوة للإسلام. Voici donc l'appel à l'islam. أن تكون وفق ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. Tu sois conforme. au prophète صلى الله عليه وسلم. يأتي ويرى الطعام غش في السوق يباع ويشرى. في الطحين ماء يأتي فيجد الطحين فيه ماء القمح فلما يراه من غشنا فليس منا Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui nous trahit ne fait pas partie des nôtres ou bien celui qui triche envers nous ne fait pas partie des nôtres. إذن الغشاش celui qui triche قد أنقص ميزانه في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il a bien sûr donc enlevé. الذي لا يصلي صلاة صحيحة ولا وضوء صحيح ولا متابعة صحيحة يخفف ميزانه في الاتباع. Donc la même façon pour celui qui ne va pas donc s'abstenir comme il le faut ou prier comme il le faut donc va en vérité régresser dans la balance du prophète صلى الله عليه وسلم. وضوءك كوضوء الرسول صلاتك كصلاة الرسول حجك كحج الرسول سلوكك أشياء كل شيء يثقل ميزانك يثقل بالاتباع. Ta purification, ta prière et tous tes actes soit qui sont conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc vont justement être lourds dans la balance. حسن معاملتكم le bon comportement envers les personnes تكونون دعاه الى الاسلام بافعالكم قبل اقوالكم sera donc un appel à l'islam par vos actes avant vos paroles. وفرق بين ان تتكلم بشيء وتفعل شيء اخر. Il y a une différence entre le fait de parler de quelque chose et le fait de faire donc la chose. صح ولا لا؟ Est-ce vrai? إذن خلك في معاملتك تدغوا. Donc sois droit. Va droit dans tes actes. لا تكون يمين ويسار. Ne va pas à gauche ou à droite. انتبه. Fais attention à cela. غيرك يراقبك. Car autre que toi te surveille. ويتتبع زلتك. Et il surveille et recherche en vérité tes erreurs. لأنه لا يفرح ما أنت عليه. Car cela ne lui plaît pas lorsque tu es droit. ويخاف على من عنده أن يذهبوا معك لأنك على أمر حق. Et il a peur que ceux qui soient comme lui te suivent car tu es dans la vérité. فهم استيقنوا وجحدوا كما كان آباؤهم. Donc ils sont savent, ils ont bien compris, ils ont bien vu cela et ils ont renié cela. أيها الأخوة. Oh frère. الأخوة خير. Frère. أيها الأخوة. Oh frère. بقدر ما يكون. Donc selon. في أخلاقك. Selon ce qu'il y aura dans ton comportement. العفو. العفو donc le pardon. المسامحة. Le fait de pardonner. عدم الغل. Et ne pas avoir d'entise. والحقد. Ainsi que la jalousie. والحسد. Donc là, c'est-à-dire la haine, la jalousie. بقدر ما تكون قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, selon aussi donc moins tu auras cela et plus proche tu seras du prophète صلى الله عليه وسلم. رسول الله عفى عن قريش وقد أتاه منها ما أتى. البروفيت صلى الله عليه وسلم donc a pardonné aux Quraysh avec tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils lui ont fait. أخلاقه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. القرآن. كان خلقه القرآن. Et le Coran. Donc son comportement était le Coran. كذلك أنت. Il faut que toi aussi tu sois comme ça. لتكن كذلك. Donc il faut que tu sois comme ça. في معاملتك وأخلاقك. Dans tes actes, dans ton comportement. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني منزلا. Prophète صلى الله عليه وسلم dit donc celui qui a l'assise la plus proche de moi. أحسنكم أخلاقا. Et celui donc qui a le meilleur comportement, celui qui est doté du meilleur comportement. إن الرجل لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق. Donc certes, la personne atteint le niveau de celui qui prie la nuit et celui qui jeûne donc le jour à travers son bon comportement. Donc il aura le comportement du jeûneur et de celui qui prie. إن الرجل لا يبلغ درجة الصائم القائم بحسن الخلق أي الصائم القائم في النوافل ولا هو يقوم بالفرائض. Ici c'est donc celui qui jeûne et celui qui prie c'est fast donc ici on parle de celui qui donc fait les œuvres surérogatoires. يعني رجل يصوم ويصلي وعباداته قليلة لكن أخلاقه جيدة ورجل يصوم ويصلي وعبادات كثيرة لكن أخلاقه سيئة الأول أحسن حق. Donc celui qui jeûne et prie donc c'est-à-dire ses œuvres qui sont obligatoires. Il a peu d'œuvres surrogatoires, mais il a un bon comportement et meilleur que celui qui prie et jeûne les œuvres donc obligatoires et surrogatoires, mais il a un mauvais comportement. Cela ne veut pas dire que si ton comportement est bon, tu dois délaisser donc le jeûne et la prière. Et l'appel et la prêche au bon comportement n'est pas à lui seul, donc la prêche à Allah Azzawajal. كل الديانات تدعو للاحترام والتبادل والأخلاق كل الديانات كل الديانات. Car chaque religion appelle au bon comportement et à avoir donc des bonnes relations avec les personnes, les autres personnes et autres. كل المجتمعات. Tous les peuples sont comme ça. ولكن لا تنفع إذا كان لا يوجد توحيد وعبادة. Mais cela n'est pas profitable s'il n'y a pas d'unicité et adoration. إذا لم يكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي لا تنفعه. Donc si la personne ne dit pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, cela ne lui sera pas profitable. عند الله يوم القيامة. Auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour dernier. ممكن تمشي وضعه في الدنيا ممكن. Donc il est possible que tout se passera bien ici, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, cela est possible. ولكن عند الله ما ينفع. Mais cela ne sera pas profitable donc auprès d'Allah Azza wa Jalla. إلا من كان عنده مقدمة التوحيد والاتباع. Donc sauf pour celui qui aura donc ses préliminaires de l'unicité ainsi que du suivi. حتى يوفق لذلك. Afin qu'il soit, qu'il ait la réussite dans cela. فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم. Il sera avec le prophète صلى الله عليه وسلم dans toutes choses. يشرب بيمينه. Il boit de la main droite. بسم الله. Il prononce donc le nom d'Allah. وهو عندما يشرب يتذكر حديث الرسول في الشرب. Et lorsqu'il boit, il se souvient du hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc par rapport. وهو يأكل. Au fait de boire, il mange. وهو يأكل. Il mange. وهو يلبس. Il s'habille. وهو مع أهله. Il est avec sa, donc, son épouse. وهو في بيت الخلاء. Il est aussi. Donc lorsqu'il entre dans les. وهو يخرج منه. Il y en sort. وهو يدخل بيته. Il entre dans sa maison. ويخرج من بيته. Il sort de chez lui. ويدخل المسجد. Il entre dans la mosquée. ويخرج من المسجد. Il en sort. في الصباح. Le matin. في الليل. Le soir. في السفر. En voyage. في الإقامة. En étant sédentaire. مع الأولاد. Avec ses enfants. مع الزوجة. Avec l'épouse. في السوق. Au marché. في البيع. Lorsqu'il في الشراء. Lorsqu'il achète. في كل أحواله يستذكر ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans tous ces cas, il se souvient de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait. هذا هو مفهوم الاتباع. Voici donc la signification et la bonne compréhension du suivi. تجدون بعض السلف يقول ولا تحك راسك لو إلا ولو بدليل بسنة. دليل على أن كل شيء تحاول تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. Certains plus prédécesseurs ont dit aussi le fait de se gratter donc la tête même par à travers une preuve. هذا هو معنى الاتباع. Voici donc le sens du suivi. وهذا هو شهادة لا إله إلا الله في العقيدة. Voici donc la l'attestation de la ilaha illallah dans l'unicité. وهذه شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ainsi que la signification de Mohammed رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة. Voici donc cette parole. وموعظة. Et cette exhortation. نذكر أنفسنا بها وإياكم. Afin qu'on se rappelle les uns vers les autres. نسأل الله أن تكون نافعة لنا وإياكم في الدارين. Et on demande à Allah Azza wa Jalla que cela nous a été profitable dans les mondes. وفي الختام. Et pour finir. أختصر ما ذكرنا. Donc je résume ici. تكلمنا عن شهادة لا إله إلا الله. On a mentionné donc la shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. وأن محمد رسول الله. وأن محمد رسول الله. ثم تكلمنا عن معنى شهادة لا إله إلا الله. On a aussi mentionné le sens que la ilaha illallah. وبيان معناها لا معبود بحق إلا الله. Que cela veut dire donc nulle divinité en toute. ثم ذكرنا أقسام ذلك إلى ثلاثة أنواع التوحيد. On a parlé donc des trois types d'unicité. وبينا شيئا من التفصيل فيها. والفروق ما بين التوحيد والتوحيد للربوبية والعبادة للألوهية. وبينا الأسماء والصفات في التعلق بها. ثم بينا الاتباع. أنه دعوة شاملة. Qui est donc une prêche ou un appel qui est complet. وما يتعلق بها. Et ce qui a à voir et à faire avec. وقلنا ذلك أربعة أمور. On a mentionné quatre points par rapport à cela. التصديق. Donc le rendre cela véridique. وفي الطاعة. L'obéissance. الأمر وترك النهي. Par obéir à l'ordre et aussi délaisser ce qui a été interdit. والعبادة تكون وفق ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et que l'adoration doit être conforme à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وذكرنا أن مدار هذه على أربعة أمور. Et tout cela tourne autour de quatre points. وهي الإخلاص. La sincérité. العقيدة. Le dogme, la croyance. والعبادة. L'adoration. والمعاملة. Et les transactions. والأخلاق. Ainsi que les bons comportements. وبهذا نشكر الله تبارك وتعالى. Et après ça, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. على ما من به. Celui qui nous a gracié tout cela. ونشكر الإخوة القائمين على المسجد. On remercie aussi donc les responsables de cette mosquée. على حسن ترتيبهم للأمور وتهيئتها. Ceux qui, donc, qui ont pu donc gérer et régler tout cela. ويجهزون لنا ميكروفون ثاني مرة ثانية. يعطيكم العافية. ونشكر لكم حضوركم والإخوة الذين كانوا سببا في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. هنا أسئلة بالفرنسي يقرأها عمار الذي في الدرس. الله يجزيك بخير. ارحم لي والدي. هذا ولد ولا بنت؟ حد حد Donc ici le questionneur dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous fasse du bien. Donc question, je veux Inch'Allah faire le hajj. Mais mon père me dit, garde ton argent pour te marier car le mariage est une adoration. Conseillez-moi au shir. Enfin, shir si Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نرجو من الله عز وجل أن يجعلك يعطيك الخير. آمين. فيقول أريد أن أحج إن شاء الله عز وجل، لكن أبي يقول لي يعني مالك يعني خلع على جنب حتى تتزوج، لأن يعني الزواج عبادة. فبإيش تنصحني بهذا؟ أطلع أباك يطيع والده. Donc, Shir dit, obéis à ton père. Shir dit ici, donc, obéis à ton père. Donc, pour la question, était bien que celui qui voulait faire le hajj, soit on lui dit, garde ton argent pour te marier, car le mariage est une adoration. Je voudrais vos conseils face à ma famille et mes parents qui ne m'encouragent pas à m'attacher au ménage salafi. Et des fois, je perds patience face à eux. Barakallahu fik. Wa jazakallahu khair. Ni yuridu minka shaykh sihatan. Yani hunaka li abawayhi. Yani la nahuthunahu ala ittiba' al-manhaj al-salaf. Wa ba'd al-ahyan yani la yasbir ma'a. Fa huwa yasal. Ma nasihatukum fi dhalik? La tati'u. Donc ne leur obéis pas dans le fait de délaisser ici, donc, c'est-à-dire dans le fait de ne pas t'encourager au ménage salafi. On ne va pas leur obéir par rapport à cela. On a dit en ce qui concerne le hajj, obéis à tes parents. Et on dit dans ce sujet, non, ne désobéis, donc n'obéis pas à tes parents. Car le hajj est pour celui qui en a, donc ici la capacité. Il y a ici donc un choix. أما العقيدة والاتباع ليس فيها خيار. Alors que dans le dogme et le suivi, il n'y a pas ici de choix. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. On ne peut pas obéir à la créature pour désobéir au créateur. وأما الحج. Par contre, le hajj. فإن لم تحج هذه السنة، حج السنة الجاية. Si tu ne fais pas le hajj cette année. أما إذا ما صرت سلفي تصير سلفي السنة الجاية بعدين تغير. Donc ici, tu ne peux pas être dans le salafi, ne sois pas salafi cette année. هذا دين الله عز وجل. سلفي ما معنى كلمة سلفي؟ Quel est le sens du mot salafi؟ أن تكون على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. Que tu sois dans la voie du prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que les compagnons. هؤلاء اسمهم السلف الصالح. Et ceux-là on les appelle les plus prédécesseurs. فيه سلف وفيه خلف. Il y a donc les prédécesseurs et après ceux qui viennent après. فيه ناس قبلك فيه ناس بعدك. Il y a des gens après toi, il y a des gens donc avant toi, il y a des gens après toi. اللي قبلك Ceux qui sont avant toi, هم السلف. Ce sont eux les salaf. واللي بعدك هم الخلف. Ceux qui sont après toi, ce sont eux les خلف. فأنت تتبع السلف. Et donc toi tu suis les salaf. ولا تتبع الخلف. Et ne suis pas les خلف. هذا معنى كلمة السلف. Voici donc le. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأئمة الإسلام. بدل هذه الجملة الطويلة نقول اتبع السلف فقط. Donc ce sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons ainsi que les tabi'in et les imams de l'islam. Et au lieu de prononcer cette phrase qui est longue, on dit tout simplement le mot salaf. Salaf, ma houdin jadid. Salaf n'est pas une nouvelle religion. Ou le madhab jadid. Ou une nouvelle voie. Hiya l'islam. C'est tout simplement l'islam. Bas. Tout simplement. Sheikh Aïb. Aïda. Sheikh Anna. Aïda. السلام عليكم جزاكم الله خير ما حكم قراءة القرآن في المجامع العامة هل هو السنة أم بدعة؟ تل. Donc السلام عليكم qu'Allah vous récompense. Quel est donc le décret religieux de la lecture du Coran en groupe donc en groupe général ici, est-ce que cela est une sunna ou une bida? في كل شيء قلنا لابد أن ننظر هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله؟ pour toute chose on doit obligatoirement regarder est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a fait ou pas؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ est-ce que cela a été fait par le prophète صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا. répondez donc. بلى. فعله رسول الله. il l'a fait le prophète صلى الله عليه وسلم. أين فعله؟ il l'a fait où؟ في الصلاة. en prière. ليس في ضحك هذا علمه شيكم تضحكوا فعله في الصلاة يقرأ والناس مجتمعة ويسمعون donc il a récité et bien sûr donc les gens ont écouté أما اللي أما ما يعمل الآن mais ce qui est fait à l'heure actuelle في المحافل lorsque les gens donc وما يسمونها بالمناسبات الدينية ou de ce qu'ils appellent c'est-à-dire dans les anniversaires ou bien dans des moments bien précis فكانوا يجتمعون الصحابة. donc les compagnons se réunissaient. وما كانوا يفعلون هذا. ils ne faisaient pas cela. إذن نتبع. donc on suit. وما أتى عنه صلى الله عليه وسلم هو الخير كله. et tout ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait donc est bien. بعض الناس يقول يعني نقرأ القرآن ندخل النار؟ certains disent se posent la question est-ce que si on lit le Coran on entre dans le feu؟ هذا رجل أتى لأحد العلماء. une personne est venue voir un savant, un des savants. فقام يصلي بعد صلاة الفجر. et donc il a commencé à prier après donc la prière du Fajr. فقال له هذا العالم يا هذا ليس هذا وقت صلاة. il lui dit donc le savant lui dit oh toi ce n'est pas donc maintenant ce n'est pas l'heure de la prière. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. car le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de prier en ce moment. قام هذا الرجل. la personne s'est levée. فقال لذلك العالم. il dit au savant. أيعذبني الله في الصلاة؟ est-ce qu'Allah va me châtier pour la prière؟ قال نعم يعذبك بمخالفة السنة. dit oui. il va te châtier pour être en contradiction avec la sunna. وإلا ما الفرق بين البدعة والسنة؟ sinon où est la différence entre la bid'a et la sunna؟ أليس صاحب البدعة يمارس عبادة؟ n'est-ce pas que celui qui commet la bid'a donc est en train d'effectuer une adoration؟ وصاحب السنة يمارس عبادة؟ ainsi que celui qui fait partie de la sunna aussi effectue une adoration. لكن صاحب السنة يمارس عبادة صحيحة أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له فيها أجر. mais celui qui fait partie de la sunna donc fait une adoration qui a été faite par le prophète صلى الله عليه وسلم et à travers cela il sera récompensé. وصاحب البدعة يمارس عبادة لم تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. tandis que celui de la bid'a donc fait ce que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas fait et lui bien sûr donc son œuvre lui sera rejetée. وآثم. et il aura donc ici le péché. ومتوعد بالنار. et la promesse pour lui est le feu. لأن خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. car il a désobéi à l'ordre du prophète صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ quelle est la preuve en cela؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. donc il prend attention ceux qui désobéissent ou ceux qui sont en contradiction avec son ordre qu'une turpitude ne leur vienne pas ne leur tombe pas dessus ou un châtiment douloureux. الأمر خطير. donc cela est grave. إذن عليك الاتباع. donc il faut que tu suis. وهو جميل. c'est beau. وفيه ضمان. il y a en plus une assurance. وأما الابتداع فنعوذ بالله. tandis que l'innovation. نرجع نرجع للسؤال الذي يرى القراءة في المحافل. donc nous revenons à la question pour celui qui voit donc ici donc la lecture. فيقول أنا أريد خير. donc ces gens-là disent nous voulons du bien. لو كان خيرا لسبقونا إليه. s'il y avait du bien dans ceux qui étaient avant nous, nous auraient devancé dans cela. هذا ديانة تعبد لله. c'est une religion et on adore Allah Azza wa Jal. ما لم يكن ذلك اليوم دين ما يكون اليوم دين. ceux qui n'étaient pas de la religion à l'époque et donc ce n'est pas de la religion actuellement. إذن نرجع إلى أن نقول. donc nous revenons à dire. وما أتاكم الرسول فخذوا. ce dont le prophète vous a donc montré ou donné prenez-le. الجمع. الجمال والكمال في اتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. La beauté et le fait que ce soit complet et par le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. هل تظن أنك ستفعل خير لم يأتي به رسول الله؟ Est-ce que tu penses pouvoir faire un bien alors que le prophète صلى الله عليه وسلم ne l'a pas fait؟ أو أنك يطرأ على ذهنك شيء ما فعله الصحابة ولا الرسول وستصبح أنت أفضل لأنك أتيت به؟ Est-ce que donc cela te passerait par la tête par le fait de vouloir faire quelque chose que, qui n'a pas été fini par les compagnons par le prophète yeah. et toi tu vas le faire tu seras meilleur par rapport à cela يا فاعل هذا الفعل اسمك عند السلف مبتدع sache que ce, donc celui qui commet cela sache que tu es considéré par les plus prédécesseurs comme un innovateur وفعلك بدعة et ton acte est une innovation ولا ينفع في ذلك أن نيتك طيبة Donc même si toi, si ton intention est bonne. فالنوايا الطيبة لا تشفع للأعمال الغير صحيحة. La bonne intention ne va pas intercéder pour les autres qui ne sont pas bonnes. كما أن الأعمال غير الصحيحة لا تشفع لها النية الفاسدة. Ainsi que les œuvres, donc les œuvres qui sont réelles, elles ne vont pas aussi intercéder pour la mauvaise intention. فالنية الفاسدة لا تشفع لها الأعمال الطيبة. Et aussi donc les mauvaises intentions ne vont pas intercéder donc pour les bonnes œuvres. كمل وقت الآن لنا لا خلاص انتهى الوقت هذا الوقت بين الوقت بسوسة. انتهى. ما ترمينا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين. اللهم أخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا ووفقنا لفعل الصالحات وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بعودتكم إلى بلدانكم سالمين غانمين وأن يميتكم فيها يا رب العالمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على محمد بارك الله فيكم أجمعين وأشكر لكم هذا الحضور وهذا التفاعل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بودي أن أسلم عليكم جميعا وأعانقكم جميعا ولكن يكفي أن أقول السلام عليكم ها لكم كلكم وصلت كل عندنا